to love, fear. On reviendra à ce spectacle de Nougaro avec un pianiste, un seul pianiste. On dirait, voyons, OK, parfait. Mais, est-ce que ce serait mieux comme ça, madame? Oui, non? Et puis? Non, c'est OK, on recommence. Et c'est un album extraordinaire, double album. Je crois qu'il n'est même plus sur le marché. Il s'intitule « Une voix, 10 doigts ». C'était M. Claude Nougaro. Et au tout début d'émission, je suis en communication avec Julien Clair, un album qu'il a fait avec l'orchestre symphonique. Un orchestre symphonique, ben rien de nouveau, hein, tout le monde fait ça. Mais c'est une très belle chanson, donc j'ai voulu vous la faire partager. J'ai vu le DVD, je l'ai à la maison, je l'écoute. C'est bien, c'est super bien, c'est Julien Clair, rien de surprenant. On n'est pas là, bon, c'est Julien Clair. Sinon, comment? Je suis en feu, je me sens comme... heureusement qu'il n'y a pas le... Ouais, olfactif, on n'est pas dans le monde olfactif ici. Non, on est dans le monde de Louis. Et crois-moi, c'est pas la lumière. Louis, l'oreille, la sonorité. Nous sommes dans cette fixation, dans cette... Même pas une fixation, c'est tellement éblouissant. C'est dans cette explosion sonore que l'on appelle la radio, tout particulièrement CKRL, que j'aime et que j'embrasse. Ça va, CKRL, toi? Bon... T'es encore heureuse de diffuser, hein? Ah, ma chanceuse. Continue comme ça. Comme on dit souvent, poursuis ton beau travail. J'ai demandé à quelqu'un, il y a quelques minutes, sur les internets, de me placer 5 phrases qui vont me permettre de partir dans une élancée narrative. Donc, je prends crayon, papier, mais pas de ciseaux. Je vais me placer à l'ordi. Je tire mon micro, merci. Je vais aller chercher mon site en question. En fait, c'est pas magique, c'est Facebook. C'est mon amie Nathalie Marceau qui m'a envoyé 5 mots. Donc, j'y vais avec barbarie. Oh ben ça, c'est plein de jus. Barbarie. J'ai même une chanson qui est « Nouille ». Mon dos, elle parle de moi. Au pluriel, bon, donc, nous sommes plusieurs. « Bijoux ». Oh, je ne sais pas si c'est de famille, mais on verra. Ménopause. Oh, ben c'est pas elle, là, parce qu'elle n'est pas rendue là. Quoique. Je vis ma ménopause. Et sauveur. C'est peut-être moi. Je vis ma ménopause. Et qu'est-ce qu'elle dit d'autre? Donc, aïe, aïe, aïe, bon, crampé de rire, tant mieux. Qu'est-ce qu'elle me dit d'autre? Merci, je ne manquerai pas ça. Tu mettras un lien? Ben oui, bonne chance. Bon. Alors, on y va avec ces 5 mots qu'elle m'a pris comme ça, qu'elle a cueillis. Un peu comme à l'été, cet été, je ferai un jardin. Si tu veux rester avec moi, encore une fois, il sera petit, c'est certain. J'en prendrai bien soin pour que tu sois aussi beau que toi. Il y en a de la réverbération là-dedans. Il me semble que c'est exagéré, madame. Bon, d'où ça vient? On va baisser ici la... Bon, la voix lumineuse. Là, elle est moins lumineuse, hein? Comment ça, c'est aussi incorrect, improbable, dirons-nous? Ah, je crois que c'est revenu. Cet été, non? Voyons là. Cet été, je ferai un jardin. OK, c'est 5 mots. Barbarie, nouille, bijoux, ménopause et sauveur. Peut-être en ordre. Mais vous savez, nous sommes dans un siècle. Mais tous les siècles ont été fous, ont été machiavéliques et remplis de barbarie. Et la seule à monter sur la sphère internationale, mondiale, francophone. Ouais. On dirait que c'est le francophone qui a bloqué un peu. Hein. C'est la grande Barbara et Serge Lama qui lui a écrit... qui a propulsé une de ses chansons. Lorsque l'orgue de Barbarie sous les ondes de Barbara. C'est un hommage à Barbara que Serge Lama a fait au début, a réalisé au début de sa carrière. Alors, nous sommes dans un siècle de barbares où on retrouve malheureusement beaucoup de nouilles et même des élus. Mais dites-vous une chose, c'est qu'à travers cette barbarie-là et les nouilles, il y a quand même quelques bijoux, quelques joyaux, quelques êtres exceptionnels qui peuvent, dans la vie de tous les jours et surtout dans la vie des femmes, les faire vivre autrement leur ménopause, qui, bien sûr, est quelque chose de troublant pour même nous, c'est l'andropause, c'est encore pire! On vous a jamais dit que la ménopause, c'est rien, c'est pour les enfants d'école! Si, c'est, hein, vous avez une grippe. Un rhume, je ne sais même pas la différence entre les deux. Puis là, ça veut dormir, hein, ça veut plus s'occuper des enfants. T'es obligé de prendre pour les bains, les repas, les lunchs. Madame ne peut pas faire de lunch. Elle ne veut pas mettre des microbes dans sa sandwich. Oh, ben, ça me donne-tu le goût, moi, de me moucher dans deux tranches de pain? Mais comme je l'aime, je lui en coquette. Ah, la belle coquette. J'en cocotte. Hey! Attends un peu. J'en concocte un bon repas pour elle. Parce que, bien sûr, je l'adore. Et puis... je suis aussi devant cette femme frêle, le sauveur, celui qui va l'amener un peu plus haut, un peu plus loin. Mais nous vivons, l'avez-vous remarqué, les cinq mots ont été touchés, mais on va les replacer, on va les remodeler. Nous allons les subtiliser pour remettre tout ça dans un autre sens qui permettra à la narrativité de s'élancer sur une direction qui nous était même pas permis de croire qu'elle irait dans cette autoroute, dans ce cul-de-sac, dans ce chemin unidirectionnel où la barbarie n'a pas peur de se montrer au grand jour devant des nouilles. Mais, il n'y a pas de mais, il n'y a que des brebis. Mais, si tu regardes au creux de l'œil de l'humain qui est sans doute à côté de toi, tu verras un joyau, un bijou, une graine d'espoir qui pourra donner le goût à certains humains de devenir des sauveurs. Et comme cela, nous, terriens, humanistes, êtres de gauche, parviendrons sincèrement à vous faire oublier, mesdames, votre douloureuse, mais la très douloureuse ménopause. qu'est-ce qu'il voulait vous dire? Ah oui, ben oui, ben oui! Vous vous souvenez tout à l'heure, là, une tempête dans un verre d'eau? Non? Donc, nous avons fait, pour cette occasion, une trompette dans un verre d'eau. En parlant de trompette, dit-il en déchirant son carton, le carton, c'est les mêmes qui disent les gens, hein, je crois. C'est le même peuple, le même... oh, bonjour, monsieur la police. Bonjour. Mais ça, c'est quand tu sais, t'es en voiture. En arrière de toi, il y a la police. Ou en avant toi, il y a la police. Là, il faut que tu aies l'air cool. J'ai rien à me reprocher. J'ai rien à me reprocher. Mais là, il fait moins 40, puis tu soignes. Hé, hey, Simonac, qu'est-ce qu'il fait là? Il faut que j'arrête de regarder dehors. Le gars, là, mon choix ouvert en vélo. J'ai dit, wow! Ouais! Oui, mais c'est ça. Quand, même si tu n'as rien à te reprocher, hein, le surmoi est toujours plus. Est toujours angoissant. Bon, la trompette. Oui, en parlant de trompette, dans mon frigo, je me suis acheté une nouvelle trompette. J'ai même pas encore. J'ai pas osé l'ouvrir. C'est sûr, avec des petites carottes, du céleri et tout ça. Mais on dirait que c'est jamais l'occasion. Puis ça manque de ça manque d'intelligence. De tremper ça là-dedans. Tout le monde le fait. Qu'est-ce que je pourrais tremper, moi, là à part... j'avais pensé, des cornichons... pas des cornichons. Des cornichons! Non. Du céleri, des carottes, tu sais, des petites carottes, les naines à petite taille. Bon, des petites tailles. Mais tranchées. Comme ça, ça fait comme des filaments, des petites frites que je pourrais tremper. Mais est-ce que des croustilles, ça serait bon là-dedans? Mais pose-en, c'est quand même des fondamentales. Tu as une existence pour découvrir tout ça. Alors, j'ai le temps. Mais quoique. Pas si. Pas si. Il y a une chanson de Michel Fugain. On n'a pas le temps, pas le temps. Cherche de tous tes yeux. Mais là, à part deux yeux, même tu te dis non, si je cherche de tous mes yeux, je vais utiliser le troisième. Cyclope! Celui qui voit du troisième, lui, il a une double vision, mais la triple, là, hein, c'est tridimensionnel toute sa vie. Lui. Pas besoin de lunettes à rien là, pour changer ça. Y en a-tu beaucoup de cyclopes dans notre société contemporaine? Hey, y a une expression qui dit impossible n'est pas français. Hey, ça, c'est les positifs. Hein? Non. Hey, mon petit champion, impossible, là, dans mon vocabulaire, c'est pas là. Je l'ai enlevé, j'ai demandé, j'ai même appelé Larousse et Robert. Imagine, là, j'ai pas mon magnéto, là, mais pour faire des. Non, mais c'est pas grave. Je les ai appelés à plusieurs reprises, ils ont jamais répondu. Les gens qui disent répond, là, c'est-tu les mêmes qui disent Jean, c'est carton, je sais pas. En tout cas, ils ont jamais répondu. Et puis, mais moi, j'ai un doute. Un fort doute. C'est pas parce que je me lave pas que j'ai un fort doute, là. Mais je crois que il s'est passé quelque chose. Et là, j'essaie de... Ah oui, c'est que ils sont pas certains de le rentrer dans le grand livre, dans le dictionnaire Larousse ou Robert. Fait que là, comme ils sont en conflit, hein, c'est bien sûr deux livres conflictuels depuis le début, là. Ils sont pas amis, ils vont pas prendre des... Non, ils sont pas invités à des repas ensemble pour discuter de la francophonie, de l'avancement, de l'évolution de la langue. Ils se font jamais de baiser français. Non. Ils se tirent la langue, ouais, mais pas pour s'embrasser. Pour se dire, ah, moi, j'ai trouvé une meilleure formulation que toi, là. Puis pendant toutes mes études, qui n'ont pas duré longtemps, ben quoi que j'ai réussi ma maternelle, ça c'est avec sur le certificat c'était indiqué. Rénal Gagné, vous avez réussi votre cours de maternelle avec brio. J'ai jamais su mes couleurs, j'ai toujours copié sur l'autre à côté. Depuis ce temps-là, on me dit, peux-tu prendre, une chemise verte? On parlait du vert kaki, là, hier, tantôt. Moi, hier, tantôt, demain, après-demain, dans deux semaines, c'est la même affaire, moi. La localisation de l'espace dans le temps, là, il n'y en a pas dans mon cas. Moi, tout est là, dans toute l'explosion sans présent, sans passé, sans futur, sans... Non, non, c'est pas d'une complexité. Moi, c'est une simplicité involontaire de ma part. Mais moi, ça a commencé dans mon cerveau, hein. Comme tout commence, hein, pour chacun dans notre cervelet. Bonjour, mademoiselle. Oh, un bon café. Non, mais c'est mieux de finir la journée avec un petit café. 19h49, tu sirotes. Tu bois pas, tu sirotes. Il y a une différence entre boire puis siroter. Siroter, là, tu sais, c'est sur le bout des lèvres, là. Puis t'as à peine le goût de l'avaler. Tu l'as pas encore avalé, là. Tu as été le chercher avec tes lèvres. Et là, tu rentres le liquide dans ta bouche. Là, on n'a pas parlé encore d'ingurgité. On a fait pénétrer, mais ça se limite à ça pour le moment. Peut-être ça part de là, la dégustation, hein? Là, le pas encore volé dans ma bouche. Et là, tu fais des tournoiements. C'est un peu comme si tu mangeais de la tire d'érable, mais il faut pas que ça dégouline devant ta nouvelle amoureuse, hein? T'as-tu l'air insignifiant? Ne jamais manger de la salade pour une première rencontre. Ça tue le romantisme. Ou le romantisme. Ah, ça tue tout, ça. Puis c'est comme manger des... Il y a de la nourriture, là. Du spaghetti. Jamais, moi qui est le professionnel du spaghetti, je vous l'ai dit le 24 au 25, depuis 15 ans que je suis rentrée canadienne, je suis le seul à Québec, au Québec, même dans le monde, à avoir planté à tous les étés, hein, je fais une rangée de spaghetti, je commence à planter mes graines au mois de mai et je récolte au mois de juillet. Ça fait des beaux 6 pieds de spaghetti, Mme Thibodeau, là. C'est merveilleux. Tu mets ça dans l'eau. Ou même si t'as le regard provocant. Tu sais, il y en a qui ont des regards comme ça, là. Ça fond, ça boule. Le spaghetti va fondre tout seul et il s'arrête. Tu peux pas le manquer, le mien. Il s'arrête al dente. Tu le fais bouillir 20 minutes, là. C'est comme si tu le faisais bouillir 4 minutes et 58 secondes. C'est l'idéal. Mais c'est moi qui l'ai inventé avec... je peux pas trop dévoiler ma recette secrète. Mais c'est parce que tout le monde gâche le spaghetti. J'ai jamais mangé ailleurs que chez moi une cuisson professionnelle à mon niveau. Ce que je recherche le plus au monde, parce que j'ai commencé à faire mon premier spaghetti à l'âge de 10 ans. Calcul mental, je suis fort là-dessus, moi, là. Wow! Moi, le mental, là, bop. Il y a souvent des tempêtes dans un verre d'eau, dans ce mental-là. 67 à 75, 67, 8 ans. 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75. 8 ans! Pourquoi je me fais pas confiance, hein? 8 ans. Alors, j'ai commencé mon premier spaghetti, madame, à 8 ans, et je l'ai pas réussi au début. Mais un an après, j'ai touché le plafond jusqu'à maintenant. Donc, je peux pas faire un meilleur que j'ai jamais raté depuis 40 ans. Mon spaghetti. Alors moi, je me suis dit, comme je suis toujours en train de m'en procurer au magasin, je vais faire pousser le mien. Mais là, le problème, c'est pas à la récolte, c'est à la cuisson. Quand tu fais bouillir ton eau et tu garoches et faites-le, c'est tellement beau, les enfants vont adorer. Si vous n'en avez pas, louez-en, frappez aux portes de votre immeuble. Madame Bertrand, pourriez-vous me passer votre petit dernier? Ah, il est allé. Il est trop vieille un peu, là. 19 ans, elle ne s'étonnera pas de voir un palmier de spaghetti. Mais un enfant de 12 ans, là, 10 ans, peut-être moins d'aujourd'hui à 12 ans, là, wow. Si tu mets pas 3-4 explosifs dedans, là, il n'y a rien qui se passe, man. C'est ben ordinaire, t'as étalé ça dans le poêle. Non, c'est pas une poêle, madame, mademoiselle, monsieur. C'est pas une madame, moi, t'as monsieur. T'es un petit monsieur, mais t'es un monsieur. OK, excusez-moi. Non, mais moi, il a des affaires de même. Là, madame, monsieur, t'es pas certain. Moi, t'es un monsieur. OK, bon. Alors, c'est sûr que quand tu plantes dans le milieu, tu prends une poêle. OK? Une poêle haute. Tu fais bouillir l'eau, bien sûr. Mais tu rajoutes pas de tu sais, on dit de l'huile, du sel. Jamais faire ça. Jamais faire ça. Tu laisses aller. Tu places dans le milieu avec tu fais un rond avec ton doigt. Puis, avec ça, là, t'en mangeras jamais trop, jamais assez. Ça, c'est juste à ta capacité d'estomac. Et tu le laisses aller. Et ça s'étale tout seul, comme un palmier. Et en moins de 30 secondes, l'eau bout, donc ça va faire descendre la pâte parce qu'elle ramollit. Et c'est beau. Tu n'as même pas à prendre de fourchette pour la tourner. Tu ne touches pas à ça. Si tu l'as bien parti, ça va s'en aller tout seul dans la puisette et de la puisette à l'assiette. Et moi, je rajoute une noisette de beurre, sel, poivre, sel d'ail et du jus de légumes. Uniquement ça. Quelquefois, je rajoute du steak haché. Et puis, non, tu te racontes. Hey, c'est quand même incroyable. Je raconte ma recette. Je me dévoile. Je me dévoile. Je viens vous donner le goût en 2019 de manger du spaghetti. Écoutez, sincèrement, là, je mange ça 6 fois par semaine. Peut-être qu'il y a une journée que je passe, là, parce que je me dis, sinon, ça fait accro. Mais si tu en passes une, t'es pas si. Non, je suis pas addict. Je suis tellement pas addict que quand la journée que je mange pas de pâte, je tremble pas. Non, je tremble pas. J'ai pas la petite babine qui tremble à l'air. Ah, bonjour, gamin. J'allais pas à babine. Elle tremble pas. Non, je me prépare mentalement 3 jours avant. Renal, tu sais que c'est dans 3 dodos que tu mangeras pas de spaghetti, hein? Oh, je le sais, mais j'essaie de m'épargner la journée du non-spaghetti, une journée où je travaille pas. C'est plus facile pour moi. Je suis moins angoissé. Je suis moins là. Ah non, je me mets à pleurer pour rien. Tu sais, les de mon entourage vont me dire, Renal, qu'est-ce qui se passe? Ah, rien. Je mange pas de spaghetti aujourd'hui. Ouais, puis c'est dur pour moi. Vous savez pas comment je peux vivre ça. Ben voyons. T'es surmené. Je suis pas surmené. Je fais les plus beaux plats. Je fais pousser mon spaghetti pour en manger toujours, mais pour me dire que je suis pas accro, j'ai une journée que je fais sauter. Là, essaye de raconter ça à Louise. Ah, oh, mon doux. Elle-même a de la difficulté à comprendre ça. La Louise que j'aime bien. Ah! Oh.

Êtes-vous prête? Êtes-vous prête? Oui, je suis prête. OK, on y va. Cinq, cinq. OK, on va la faire. On y va. Le jour se lève, zing zing, on ne s'inquiète pas pour le temps. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, zing zing, on sortira pas pour autant. Vaut mieux laisser au clou la clé des champs, ou sinon ça crache des pruneaux. Zing zing, zing zing, ta chanson colle à la peau. Quand le jour se lève, zing zing, par contre on s'inquiète pour le temps qui reste à tirer à zing zing, y a de quoi se faire des cheveux blancs. Il paraît que c'est chouette d'avoir 20 ans, oui, mais pas derrière des barreaux. Zing zing, zing zing, ta chanson dure un peu trop. Quand le jour se lève sur Sing Sing et que c'est le dimanche qu'on attend, on va voir l'orchestre de Sing Sing. Il faut dire qu'il swing méchamment. Le dernier batteur avait le rythme dans le sang. Sur la chaise, il fit trois petits sauts. Sing Sing, oh, Sing Sing, ta chanson chauffe un peu trop. Mais dans le temps, on se dit qu'on sortira de Sing Sing quand nos poules n'auront plus de dents. Pense-t-elle encore à nous en ce moment? Où font-elles brûler nos photos? Sing Sing, oh, Sing Sing, ta chanson a le cœur gros. Ainsi meurt la chanson de Sing Sing jusqu'à demain. Et sur cet album, on y retrouve une chanson exceptionnelle, magistrale, que je veux vous faire entendre, puisque c'est une édition limitée. Je crois qu'on ne peut même plus le retrouver sur, le, sur les tablettes ou sur les rayons des disquaires. Il n'y a même plus de disquaires, imaginez-vous. Bon, imaginez-vous, imaginez-vous. OK, on y va avec ça. On y va. C'est bien sûr Armstrong. Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Oh oui, vas-y. Quand on

Cécile, ma fille, moi, je t'attendrai toute la nuit, t'entendrai rentrer sans bruit. Mais au matin, c'est moi qui rougirai devant tes yeux plus clairs que jamais. Que toujours on te touche comme moi maintenant, comme mon souffle sur tes cils, mon baiser sur ta bouche, dans ton sommeil d'enfant. Cécile, ma fille. Les mots divins, les mots en vain, les mots de plus, les mots. Les mots pour rire, les mots d'amour, les mots dits pour de mentir. Les mots bruissants comme des rameaux, les mots ciselés comme des émaux. La faim de mots, la soif de mots qui disent quelque chose. Les mots chéris qui sur mes lèvres n'ont pas trouvé leur place. Les mots muets, les mots bués comme un baiser sur la glace. Les mots bouclés, clé de l'espace. Les mots oiseaux qui laissent des traces. Les mots qui tuent, les mots qui muent, les mots tissants, les motions. Les mots pâlis, les mots salis, les mots de prédilection. Les mots qui te caressent comme des mains. Les mots divins, les mots de vin, les premiers mots, la fin des mots. Claude Nougaro, extraordinaire. Donc, je me suis effacé un peu aujourd'hui pour vous laisser cet être nous enchanter. Et... Merci. C'est un succès! Aujourd'hui, le lundi 4 février 2019, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de notre ami encore ce soir, pour la dernière fois, malheureusement. Nous pleurons. Nous sommes en état, bien sûr, de nostalgie, de tristesse, non, plus de tristesse que de nostalgie, puisque cette voix sublime que nous avons entendue la semaine dernière et que nous entendrons ce soir se terminera dans quelques heures, dans quelques minutes. Donc, un moment de silence. J'ai la gorge nouée. Je vous présente Gervaise Germanique, l'incroyable Gervaise Germanique. Quand vous demandez ça, là, hein? À quel moment nous allons réentendre cette voix sublime, incroyable, incontournable dans le monde francophone? Mais c'est maintenant! Elle roule des hanches quand elle marche et quand elle danse. Elle aime la joie sexy qui compte pour du beurre. Elle traverse la pièce, déboulée, prend de la vitesse, 1, 2, 3, grand jeté. Sa jambe et ses espoirs montent aussi haut qu'elle peut. Locomotive à quadruple combustion, énergie communicative, attention, âme que se passionne pour les rythmes qui se donnent. Elle croque la vie, les secondes qui se tassent et de temps en temps les hommes qui passent. Elle aime vivre de tout pour tout et en reprendre encore un coup. Anko est une énergie qui touche les gens, qui brisent ses jambes et qui dansent ses joies. Anko est une énergie qui touche les gens et qui danse. Anko se passionne pour les rythmes qui se donnent. Plus son corps s'immole, plus ses soucis dégringolent. Anko se passionne pour les rythmes qui se donnent. Plus son corps s'immole, plus ses soucis dégringolent. Mais y a des moments où elle se fait plus fine. Avec ses amis, elle cajole, elle câline. Et si tu donnes tes rires, pourquoi caches-tu tes pleurs? Oh petite Anko, essuie donc tes larmes, essuie donc ta sueur. Que tous ceux qui te croient trop simple et naïf, qu'ils passent leur chemin, qu'ils usent leur salive. Car si tu nous caches si bien tes échymoses, y a des moments où tu l'as bien cherché, cette foutue vie en rose. Auras-tu le courage d'affronter tes fantômes en face? Pour l'instant t'en sais rien, alors tu danses. C'est ça, passé. Anko se passionne pour les rythmes qui se donnent. Plus son corps s'immole, plus ses soucis dégringolent. Anko se passionne pour les rythmes qui se donnent. Plus son corps s'immole, plus ses soucis dégringolent. Anko se passionne pour les rythmes qui se donnent. je pense que je vais pas trop le faire écouter parce qu'il y a un moment où après ça se perd dans les avis de chacun. Okay. Et que ça peut être plus déroutant. Et... c'est juste avec les gens avec qui tu travailles. Ouais, avec les gens avec qui je travaille. Et voilà, et aussi ma photographe avec qui je travaille, qui elle voilà, voit aussi en termes d'univers aussi sonore et visuel. Iconique, ouais. Voilà. Est-ce que ton arrangeur, tu l'as choisi ou si c'est lui qui est venu te rencontrer et qui t'a approché? Bah, là, ça s'est fait via l'intermédiaire de mon bassiste qui connaît cette personne depuis un petit moment. Il était déjà venu me voir il y a 3 ans, il avait trouvé ça bien, il avait dit continue. Et là, il est revenu me voir parce que j'ai fait la boule noire en mars. Et il a dit ouais, c'est super bien, j'écoute. Lui, il travaille beaucoup en radio. Et il m'a dit écoute, t'as vraiment un truc très radiophonique et très pop dans tes mélodies, je trouve ça ouf que tu passes pas en radio. On va essayer de faire des trucs et moi, je vais essayer de t'apporter mon côté radiophonique. Okay. Ce qui est extrêmement intéressant. C'est-à-dire un son radiophonique. Ouais, un son radiophonique et un format aussi radiophonique. Okay. Et là, tu crains pas le format? Je crains. Okay. Je crains, mais en même temps, en termes, là je pense aussi en termes de stratégie, c'est-à-dire que si j'arrive à avoir un titre qui est radiophonique et en même temps qui me correspond, okay, j'ai tout gagné. Ah ouais, ouais. En fait. Il n'y a pas de position en tant que telle, il n'y a pas quelque chose qui ne sera pas en accord avec toi, donc ça va. C'est ça. Donc tout le truc va être là. Tout le truc va être de réussir à travailler pour que lui m'apporte ce côté format qui va pouvoir me permettre de toucher peut-être d'autres choses. Et en même temps réussir à ce que ça reste moi et tout ça. Donc c'est hyper intéressant. Mais oui, j'ai peur de me brûler les ailes, mais en même temps je me dis il faut tester aussi. Enfin, faut tester des choses. Il faut se lancer. Et à un moment, j'ai pas non plus envie de rester toute ma vie à chanter des chansons dans les bars. J'adore faire ça. Je l'ai fait et je le referai avec grand plaisir. Mais c'est une super école. Mais il y a quand même un moment où on a envie que ça évolue, que ça aille plus loin. Que c'est logique. Donc je me dis qu'il faut tenter aussi. Alors, en travaillant sur ton premier album, vois-tu délaisser les premières chansons parce qu'ils ne seront jamais dans le même cadre? Parce qu'il n'y aura pas ce son radiophonique? Ça va être... il va forcément y avoir du tri. Après... Ou tu vas les remodeler? Je pense que je vais en remodeler aussi certaines. Je pense qu'il y a certaines qui sont fortes, qui restent fortes, que je vais essayer de remodeler pour qu'elles s'adaptent. Je l'ai déjà fait un peu là sur avec les anciennes chansons et avec le nouvel EP parce que j'ai déjà pris un tournant plus pop. Et que déjà en termes d'arrangement il y avait des choses qui étaient trop, enfin voilà, c'était trop comme ça, donc j'ai dû les adapter et je pense que je vais continuer à en adapter certaines. As-tu déjà eu des commandes? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont demandé d'écrire pour eux ou pour elles? Non, pas pour eux ou pour elles, par contre j'ai pas mal d'artistes qui ont envie d'écrire avec moi, qui ont envie de faire des duos ou des chansons pour proposer. Okay. Ça, c'est intéressant. Des gens que tu rencontres pendant les festivals? Que je rencontre, okay, avec qui on fait des coplateaux, okay, qui disent « Ah, c'est vraiment cool, j'aimerais bien écrire une chanson avec toi » et tout machin. Est-ce que ça s'est déjà produit? Ben, pour le moment, alors... Mais parce qu'il faut trouver le temps, les deux en même temps. Ouais, c'est ça. Il y en a qui ont des boulots en dehors de leur travail. Ouais, là, depuis mars, j'ai eu quelques en plus, c'est aussi des amis, mais on n'arrive pas à se croiser forcément. Mais je pense que ça va se faire. Je pense qu'il y a certains avec qui on va vraiment réussir à faire quelque chose cool qui nous plaît à tous les deux. Et comme vous croisez souvent, ça va faire quand même le lien. Oui, puis après, on peut les rechanter ensemble. Ça donne aussi des occasions de faire des coplateaux. Enfin, voilà, c'est chouette. Est-ce que tu vois qu'avec le temps, tout commence à fleurir? Ouais, je vois en tout cas. C'est toujours difficile parce qu'on a toujours l'impression... on voit toujours tout ce qui reste à faire. Ouais. Et on a tendance à oublier tout ce qu'on a fait. Ouais. Donc des fois j'essaye de me poser de petites secondes et là déjà depuis un an de me dire attends Gervaise, regarde un peu en arrière et voilà, t'as fait ça, il y a par exemple la boule noire, j'aurais jamais cru faire la boule noire en mars, j'ai eu des prix là avec certains concours aussi où je m'attendais absolument pas à avoir ça, donc j'essaye de me dire ça c'est bien. Il y a quand même des choses. Voilà, parce que j'ai toujours tendance à voir tout ce qui. Ouais, en effet, à avoir ce côté. Mais je pense que je sais que je suis pas la seule. Il y a beaucoup d'artistes aussi, ouais, qui sont comme ça. Toujours se dire, ah, faut que je continue, ça avance pas assez vite. Ouais, ouais, ouais. Et qu'il faut quand même se rendre un peu compte de tout le travail qu'on fait. Et que c'est assez ingrat. Des fois, on a l'impression qu'on fait tout ça et on a ça. Donc, voilà. Encore, ouais. Donc, des fois, ça peut être un peu frustrant. Mais, et puis aussi, des fois, c'est long. Des fois, on fait genre une date. On fait une date et 2 ans après, en fait, on est programmé dans un festival parce que la personne nous avait vu là, qui avait vachement aimé, mais elle nous programme que là. Donc, des fois, c'est aussi très long, en fait. Et puis, des fois, c'est très rapide. Il faut être patient. Il faut être patient. Et puis, je crois vachement à la rencontre, aux rencontres. Je crois vraiment à ça. savoir que, à mon avis, c'est vraiment ça qui fait la différence aussi. C'est quand tu rencontres quelqu'un avec qui il se passe quelque chose, d'un coup, ça peut vraiment ouvrir des vraies portes tout de suite. Donc, faut sortir, faut aller rencontrer les gens, faut tout ça, quoi. Ça, j'y crois beaucoup. Et le troisième album, le premier véritable album, tu vois déjà le son, comme tu disais, plus radiophonique, plus, en tout cas, plus punchy, en guillemets. Ouais. Ouais, je vois. J'aimerais pop et j'aimerais qu'il y ait des accents un peu rock aussi, parce que en fait, je me rends compte un peu malgré moi que là, en fait, en étant sur scène, j'ai un côté assez rock en fait, ouais, dans ma manière d'interpréter. Et, j'ai un côté un peu. Alors, je le gomme pas, mais je le sens. La rage me va bien. Ok. Sur scène, la rage me va bien. Et du coup, j'ai beaucoup de gens qui sont venus voir et qui font, mais en fait, t'es rock, quoi. Et c'est même pas dans le son, en fait. C'est pareil, encore une fois, c'est dans l'attitude. J'ai ce côté un peu bim. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, j'aimerais que sur l'album, sans aller forcément dans du rock, mais en tout cas que ce côté-là se sente un peu quand même. Ça fait penser un peu à Niagara qui était très pop, qui est devenu très, oui, rock avec religion et tout ça. Mmh. Donc c'est un peu. As-tu des gens que tu écoutes encore ou que tu préfères à d'autres? J'aime beaucoup. Ma première grosse claque musicale et qui reste toujours, c'est Camille. Ça reste une artiste que j'aime énormément et je suis allée la voir encore sur scène. Et pour moi, c'est ça aussi. Enfin, j'ai énormément de respect pour des artistes comme ça qui, aussi bien en studio que sur scène, c'est juste de la dentelle et c'est magnifique, quoi. Et là-dessus, je trouve ça assez fort ce qu'elle fait. Après, dans d'autres artistes, j'aime beaucoup Zazie aussi. J'aime beaucoup, beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup son écriture. Et justement, des fois, le côté un peu rock qu'elle a, ou des fois, le côté plus pop. Elle a bien vieilli. Voilà, ouais. Puis j'aime bien le son de sa voix aussi, qui commence à devenir un peu éraillé. Je trouve ça, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'aime beaucoup, ça c'est vrai, c'est des artistes, ça c'est mes artistes que j'écoute régulièrement. Des fois, je me repasse un album, je me repasse des choses. Écoutes-tu plus des chanteuses ou des chanteurs? Je me rends compte que dans les gens que, entre guillemets, de référence que j'écoute souvent, c'est quand même beaucoup des chanteuses. Après, j'écoute vraiment de tout. Pour le coup, j'écoute vraiment de tout et j'ai. Mais beaucoup de francophones. Beaucoup. J'écoute aussi beaucoup Lana Del Rey. Qui? Lana Del Rey. Ok, oui. J'écoute énormément. J'adore ce qu'elle fait. J'adore pareil. Ah bon, apparemment sur scène, j'ai jamais vu, mais il paraît que sur scène, c'est pas ouf. Ok. Où j'ai vu des vidéos, j'ai fait ah dommage. Mais par contre, les vidéos, tout son univers et les chansons, les albums, je pense que c'est des. Plus studio. Voilà, et ben, je pense elle est clairement plus studio et pour moi c'est des voyages à chaque fois ces albums. Je l'écoute et je reste comme ça et je trouve qu'elle aussi elle a trouvé un vrai son. Elle a vraiment trouvé quelque chose. Elle a une identité sonore que je trouve hyper intéressante. Victoria Moss un peu. Moins, mais j'aime beaucoup aussi. Okay. Ouais. Peut-être c'est le piano qui. Non, j'aime bien le piano aussi, Barbara, tout ça, je suis très très fan de Barbara aussi, mais voilà, dans les c'est artistes... C'est pas ta génération. Bon, après, si j'ai écouté, j'étais... Bah, quand j'étais petite... C'est 90, ça, ouais, fin 80. C'est vrai. Bah, j'ai tellement... En fait, j'ai eu un passage très vieille chanson toute petite, après j'ai eu un passage un peu plus toute ma génération, où j'écoutais beaucoup de rap, beaucoup de NTM... Ok, c'est ton côté rebelle. C'est mon côté rebelle. Okay, voilà, et un peu de rock aussi. Et puis maintenant j'écoute un peu de tout et j'essaye aussi d'écouter un peu ce qui sort aussi. J'essaye aussi de me rendre. Pourquoi pour pas rentrer dans ce son-là ou pour comment? Non, pour me. Bah, pour juste un pour peu. Pour voir ce qui se passe. Ouais, pour voir ce qui se passe, pour être au courant des sons qui sont entre guillemets actuels, savoir si je les aime ou savoir si je vais juste y aller là-dedans parce que c'est actuel. Et j'essaie de me poser ces questions-là aussi. Parce que je pense que. En fait, ce que j'aimerais faire, c'est réussir à faire de la chanson moderne. La chanson à texte moderne, qui sonne bien, qui soit accessible et qui musicalement ouais, soit moderne. Donc j'essaye quand même d'écouter ce qui se passe pas mal en ce moment aussi. Et surtout pour pas redire non plus ce qui s'est. Voilà aussi, pour pas me dire bah, je vais prendre ce son parce que tout le monde le prend, mais du coup en fait ça devient pas du tout singulier en fait. J'ai quand même envie de garder une certaine singularité, ouais. C'est déjà fini. Le rideau est tombé, j'ai pas tout compris. Je veux recommencer. C'est déjà fini. Je reprendrai bien une portion de vie pour calmer ma faim. On se dit qu'on a voilà. Ça passe en un claquement de toi. Mais j'ai bien vécu des rêves accomplis et d'autres perdus. Mon premier baiser, mon dernier fou rire. Je pars sans regret, juste un soupir. On se dit qu'on a tout le temps, et voilà, ça passe en un claquement de toi. Bientôt me taire, à jamais l'infini comme repère. Mes amis, calmez vos yeux rouges, je vais pas loin d'ici, non. Je vais là où vos cœurs s'ouvrent. Je vous laisse mes photos et les soleils orange, l'odeur des croissants chauds, la mémoire qui flanche. Je vous laisse le temps, je vous laisse mon chat, je vous laisse faire semblant. Je vous laisse la musique et mes notes d'humour, la formule magique, je vous laisse l'amour. Profitez-en bien, je n'emmènerai rien. Un liquide. Un liquide? Oui. Si j'étais un liquide, qu'est-ce que je serais? Très bonne question, ça. Un martini. Ah oui? Ouais, j'aime beaucoup. Vers 18h. Ouais. Mais pas à cette heure-ci. Là. Non, cette heure-ci, c'est encore trop tôt pour le martini, puis il fait trop chaud. Ah oui. Si tu étais une ville? Paris. Paris. Quel arrondissement? Ville de cœur. 18e. Ah, ici? Ah, ici, ouais, j'adore. Bah, si je pouvais vivre à Montmartre, je ferais, j'adore Montmartre. C'est beau, hein? Ah, c'est beau. Parce que c'est beau. C'est vrai. C'est trop si mignon. Si tu étais une langue. Une langue. À un moment donné, la famille s'est opposée. Elle était enterrée l'année dernière aussi? Non, le français. Le français. Je suis pas assez bonne dans les autres langues. Non, le français, c'est ma langue de cœur, le français. Et est-ce que, à force d'écrire, tu commences à avoir un style, à avoir une façon de raconter? Ouais. J'aime pas faire. Enfin, comment dire. Je suis pas trop figure de style. J'ai un métaphore. Style. Ouais, enfin, j'en utilise quand même, hein, mais disons que j'aime pas trop les trucs trop abstraits. J'aime bien les trucs assez directs, en fait. J'ai une écriture assez directe. Même si je mets quand même des images, bien sûr, mais j'aime pas aller prendre des mots trop anciens. Plus naturaliste. Ouais, quelque chose d'assez naturel. Comme Idolomé. Oui, voilà. Clarence est une amoureuse de l'Idolomé. Voilà, mais plus comme ça. J'ai plus une écriture comme ça. Est-ce que tu travailles beaucoup refrain, couplet, ou si tu es comme l'Idolomé, il n'y a aucune structure? Non, je travaille assez... conventionnellement. Assez, ouais. Après, ça peut arriver que certaines chansons ne se fassent pas comme ça. Mais j'essaye aussi des fois de penser à un pré-refrain, à me dire, tiens, si je devais mettre un pré-refrain, qu'est-ce que ce serait ? Mettre un pont, qu'est-ce que ce serait ? Des fois, ça ne marche pas. Des fois, j'enlève et machin. Mais j'essaye de réfléchir aussi comme ça, ouais. Et comme tu me disais, tu te lances beaucoup plus là, vers la musique récitée. Ouais, ouais. Ça, parler. j'aimerais à... Je resterai quand même, j'aurai toujours des chansons où je chante et j'aime bien aussi mélanger les deux où des fois le refrain est chanté par exemple ou parler ou inversement. Mais oui, je pense qu'il y aura forcément dans mon album des chansons où je parle, où je chante pas. Ouais. Et tu vas avoir à l'idée certains titres, certains sujets que tu veux évoquer ou pas encore? Si, si. C'est tout récent? Si, si. Bah là, dans les titres qui arrivent et dans tout ça... C'est clairement une image de femme forte, clairement. Alors je sais pas ce que ça veut dire, mais ça veut tout dire et rien dire. Mais en tout cas, une affirmation... Une femme enracinée. Ouais, ouais, complètement. Donc il y a plusieurs images de cette femme-là. Et je pense que je prends aussi comme si je prenais un peu différentes femmes ou différentes féminités où je me dis tiens, voilà. Et la femme va se raconter à travers les chansons. Ouais, c'est ça. Un peu comme des branches, comme je disais ouais. tout à l'heure. Bah, ce qui est rigolo, c'est qu'à la fin de mes concerts, tu vois, j'ai pas mal de filles qui viennent me voir et qui me disent, ça me touche beaucoup d'ailleurs quand j'ai ça, et qui me disent merci. Qui me disent, ça fait du bien, on ressort de tes concerts, ouais, on se sent forte, on a envie de mettre une robe à paillettes et de n'avoir rien à faire de tout et de s'assumer, d'avoir ce côté. Comme on est, voilà. Et ça, c'est hyper valorisant, enfin, c'est le meilleur compliment enfin, qu'on puisse me faire quand on sort, quand des filles comme ça qui viennent me voir à la fin, c'est hyper, hyper touchant. Ça. Est-ce que tu es pour l'authenticité, c'est-à-dire que. Là, tu es toute jeune, mais lorsque tu vas vieillir, est-ce que tu veux camoufler cette vieillesse-là? Ou tu veux l'assumer? Comme ça, je pense que je l'assumerai. Après, c'est facile de dire ça maintenant. Je sais pas bien comment... Parce qu'en même temps, ça se voit quelqu'un qui... Oui, bah c'est ça en fait, c'est si je le camoufle, il faut que ça soit assez bien fait pour pas trop que ça se voit, parce qu'en effet quand ça se voit je trouve ça un peu triste. Comme ça j'aurais tendance à dire que non, j'essaierai de l'assumer. Je pense que c'est un cheminement, complètement. Mais les feuillages et tout ça, je pense que ça aide aussi à se regarder en face et à se dire bah... Mais donc aucune gêne à faire ça? Comment? Tu as aucune gêne à tes feuillages? Si, c'est pas facile hein. Et c'est ce que je dis aux gens qui... Assume-tu ton corps pour faire ça? Je l'ai fait parce que je suis hyper complexée. Mon corps, c'est depuis que je suis petite, c'est toujours une source de conflit. Ça a toujours été très, c'est très dur. L'adolescence? Ouais, même depuis toute petite, je sais pas pourquoi. Après, j'ai toujours vu ma mère, ma grand-mère, ma tante complexée. J'ai toujours, même dans les médias ou tout ça, j'ai toujours eu l'idée que j'étais pas faite comme il fallait. Et c'est vraiment quelque chose qui a toujours été très présent. Et l'adolescence m'a pas fait du bien, ça c'est sûr, parce que j'ai pris beaucoup de poids, donc voilà. Mais j'ai vraiment essayé de faire du burlesque pour ça, pour essayer de m'assumer, de m'aimer, j'en suis pas encore là, mais en tout cas de m'assumer. Dans un cheminement, d'évolution. Vraiment, exactement. Et ça fait prendre une vie. Je pense, en fait, ça m'apporte encore plus de questions que de réponses. Ça m'a aidé à me regarder en face. Vraiment, à dire bah ça c'est mon corps, c'est très bien, ça c'est mon corps, ok. Mais après, ça reste qu'il y a des moments où ça, c'est facile, et il y a d'autres moments où je suis là, mais non, là en ce moment j'ai absolument pas envie de le faire, je me sens pas bien, j'ai pas envie, voilà, j'ai trop mangé hier, je sais pas. Et en fait, mais malgré tout, pendant qu'on s'éveille, en fait on n'y pense pas, c'est très bizarre, on ne pense pas vraiment à la nudité. Parce qu'on est dans l'action, on est dans le numéro, on est en train de se dire bon alors là j'enlève mon gant, là en fait il y a quelque chose d'assez méthodique, on veut que tout se passe bien, mais on ne pense pas au fait qu'on est en train de se mettre nu en fait. On n'y pense pas vraiment, ça vient vraiment en deuxième position en fait. Mais en fait le plus dur c'est pas sur scène, c'est après, c'est les vidéos, les photos. Ah oui, ça c'est différent. Ah, okay. Parce que forcément... Là, c'est la projection que tu vois toi-même. Ben voilà, parce que tu ne vis pas du tout pareil sur scène et après quand tu veux revoir, quand tu revois tu fais... C'est moi ça! J'ai fait ça! Oh mon dieu! Alors, es-tu surprise de manière positive ou si tu te caches et t'es déçue? Non, il y a quand même des moments où, heureusement, c'est positif. Tu te surprends toi-même? Ouais, il y a des moments où tu dis, oh bah en fait ça va! Puis il y a des moments où on dit, oh mon dieu, j'aime pas du tout! Mais bon, ouais, ça mais c'est fait, aussi, c'est ça, fait. C'est fait, donc, ça fait aussi partie des choses. Puis c'est puis on vivant, voit, et puis on voit que le monde continue de tourner, ça n'a choqué personne, tout va bien, donc finalement. Il y a des choses tellement. Bon, en fait. Ouais. Est-ce que tu crois que le fait d'avoir des enfants modifie un peu la vision qu'on a de notre corps? Complètement, ça c'est sûr. Moi j'ai une amie qui est feuilleuse justement qui a eu un enfant assez tôt et du coup ça a transformé son corps. Donc elle a des vergetures sur le ventre, elle a les seins qui se tiennent moins bien qu'avant. Mais ça fait la beauté aussi. Comment? Ça fait la beauté. Mais complètement, et en fait c'est ça que j'adore dans le burlesque, c'est que... Est-ce qu'elle le faisait lorsqu'elle était enceinte? Non, je crois pas qu'elle l'a fait pendant qu'elle était enceinte. Mais en tout cas, et c'est ce qu'elle défend en fait, et c'est ça aussi qui va toucher les femmes quand elles viennent les voir, c'est qu'elles vont se reconnaître aussi dans cette femme-là, qui a eu un enfant et qui a un corps comme ça, et bah voilà, et elle est belle malgré tout parce qu'elle s'assume et parce que voilà, c'est son corps et c'est fort en fait. En fait, ça délivre un message fort que quelqu'un qui... Moi j'ai... En fait, c'est ça que je trouve assez rigolo, c'est que j'ai vu des filles qui sont entre guillemets dans le canon de beauté extrêmement bien foutu, c'est vrai, extrêmement bien foutu, comme ça, si je la voyais juste comme ça, je dirais, oh, j'aimerais trop avoir son corps, mais qui n'ont aucune sensualité. Et à l'inverse, en tout cas, qui dégage pas grand chose en fait quand elle s'effeuille, tu fais oui, bah, c'est joli, mais ça te touche pas. Et à l'inverse, une fille qui va arriver, qui va peut-être pas être exactement comme il faudrait selon la mode ou je sais pas quoi, mais qui dégage quelque chose d'extrêmement gracieux ou d'extrêmement touchant ou d'extrêmement en effet sexy, mais. Voilà. Mais est-ce que la beauté viendrait pas de l'intérieur vers l'extérieur? Complètement. En fait, complètement. Moi, pour moi, une femme est belle à partir du moment où elle est sûre d'elle. Pour moi, la beauté, c'est ça. Vraiment. C'est-à-dire qu'une femme qui est... Mais un homme, enfin n'importe qui, en fait, l'assurance, c'est hyper sexy, en fait. Ouais. Quelqu'un qui arrive et qui est sûr de lui, il y a un même truc. Même c'est touchant. Mais oui. Comme ça, Jacques Brel. Oui, c'est vrai. C'est vrai. La timidité peut avoir quelque chose d'attachant. Il y a une sincérité en fait qui est importante, complètement. Ouais. Et du coup, ça fait du bien parce qu'on se dit bon, bah ça va, j'ai quand même, ça va, tout n'est pas perdu. Quand on se compare, on se console. Ouais. Si tu étais une époque. Les années 50, pour le style. Ah, pas pour la femme, mais pour le style. Ouais, les années 50. Ouais, les jupettes et tout ça, les colliers. Les pin-ups, tout ça. Si tu étais un mot. Un mot? Oh. Un mot? C'est dur. Ah, j'ai... C'est marrant, je pense à ma famille tout de suite, tu vois. Mais j'ai pas forcément de mots, mais... Famille? Famille, ouais. C'est un pilier hyper important. Alors, t'es très enracinée? Ouais, mais c'est surtout, j'ai un rapport très fusionnel avec eux, et en plus, ils me soutiennent énormément, donc je sais que ça, c'est ma source. Dès que j'ai besoin de venir me ressourcer, je vais avec eux, et ça me ressource énormément. Je suis la femme que l'on déteste. Mesdames, je sais que je vous blesse quand je vous pique tous vos ex et vos maris d'un simple geste. Je suis la femme que l'on déteste. Je ne suis pas de celles qui restent, mais je suis celle qui vous laisse un petit goût d'histoire de fesses. Vous êtes les femmes officielles, je suis la femme officieuse. Je vous laisse faire la vaisselle pendant que consciencieuse je monte au septième ciel. Pour vos maris, je suis maîtresse. Pour vos amours, je suis caresse. Écoutez bien, voici les rôles à ne pas confondre. Vous, votre inquiet, et moi, je trompe. Je suis la femme que l'on déteste. Mesdames, je sais que je vous blesse quand je vous pique tous vos ex et vos maris d'un simple geste. Amère, je suis la femme que l'on déteste. Je ne suis pas de celle qui reste, mais je suis celle qui vous laisse un petit bout d'histoire de... Sur sa peau, je vous êtes de l'amour, sa sécurité. Et moi, je suis sa liberté. Oh, vous êtes la femme que l'on montre, je suis la femme que l'on cache. Vous essayez de les retenir, mais ils se détachent. Moi, je les attire, je les attache. Vous avez des hauts et puis des bas. Vous savez, moi aussi j'ai des hauts et surtout des bas. Oh, je suis le tout de la rivale qui plane sur le lit conjugal. Oh, je suis la femme que l'on déteste. Mesdames, je sais que je vous blesse. Ouais, quand je vous pique tous vos ex et vos maris d'un simple geste. Je me dis qu'on n'est pas prêt de me mettre la bague au doigt. Quand je vois comment ils sont avec elle, je comprends que c'est pas demain que je pourrais dire je t'aime. La, la, la, alors je préfère être la femme que l'on déteste plutôt que la femme que l'on délaisse. Oh, tu parles d'un jour te déraciner et de faire cavalier seul. Ben, j'ai un côté quand même assez solitaire, assez indépendant, mais voilà, j'ai besoin de temps en temps de revenir aux sources, ça ouais. C'est obligé. Ouais. Si tu étais un aliment? Je serais une tarte au citron. Oh! J'adore. Ah oui? En manges-tu beaucoup, souvent? Alors j'essaye de pas en manger trop souvent, mais j'ai, ouais, je suis une sucrée moi, ah, oui. J'aime les gâteaux. Ouais. Ah c'est rare, normalement les femmes sont salées. Et ah ouais sucrées, ah j'adore ça le sucre. Si tu étais une saison? Une saison? L'hiver. Oh, pourquoi? J'adore le froid. Ah oui? Ah oui, je suis plus quelqu'un d'hiver, ouais, j'aime bien... Moi, là, tu vois, c'est pas ma saison, il fait trop chaud pour moi, j'ai la peau blanche, je crame ouais. Tout de suite. Non, l'hiver, ouais, je trouve qu'il y a une beauté froide que j'aime beaucoup. Ouais. Quelque chose, je sais pas, je trouve ça assez poétique l'hiver en fait. Je sais pas pourquoi. L'hiver où? À Paris ou au Pôle Nord? J'aimerais bien un jour aller... au Pôle Nord? Ah ouais, aller dans des régions froides comme ça avec la neige et tout, ouais, j'aimerais bien. Dormir dans une église? Ouais. Je trouve que c'est magnifique, les paysages enneigés, comme ça, silencieux, immaculé. Je trouve ça hyper, hyper beau, ouais. Hyper beau. Si tu étais un membre corporel? Une bouche. Pour en passer, pour parler. Pour ouais, sourire, tout ça, ouais. Une bouche. Si tu étais un moment de la journée? Le soir, ouais, non, je préfère le soir. Pourquoi? C'est plus relax, et ça sent l'apéro, la martini. Ouais, c'est ça. Ça sent le martini, ça sent les concerts. Et puis, je sais pas, je trouve qu'il y a un truc bizarre. Quand la nuit tombe, j'ai l'impression que tout est possible. C'est bizarre. J'ai l'impression que c'est différent. Ouais. Alors, tu es une lève tard, une couche. Plutôt, ouais. Ouais, enfin une couche tard et une lève tard. Après, bon, j'arrive pas non plus à me lever trop tard parce que je culpabilise après. J'ai okay. Quand même des trucs à faire, donc je me dis non, je peux pas lever trop tard, mais oui, plutôt ça. Si tu étais un autre individu? Un autre individu? J'aimerais bien être un homme, déjà, voir ce que comme ça fait. Comme la chanson de Diane Pell? Ouais, voir ce que ça fait. Est-ce que t'as connu? Ouais. Ok. Si j'étais un homme... Lequel? Ouais, lequel? Ouais, c'est dur. Blanc, noir, J'aimerais bien être genre Jane Kelly. Ok. Ouais. Essaierais-tu de courtiser? Ouais, carrément. Ouais, carrément. Un peu comme... mais le titre en France est autrement, Le jour de la marmotte. Est-ce que ça dit quelque chose? Mm-hmm. Avec Bill Murray, puis McDowell. La journée revient tout le temps et c'est quoi là? Ah oui, c'est ça, et à chaque fois il doit... Nous, c'est le jour de la marmotte. Mais en tout cas, tu travailles le lendemain puis tu veux séduire l'autre. C'est ça, donc, c'est et ça. Lorsque tu t'es moffé la veille, ben, tu refais autrement puis tu fais des recherches sur elle pour pouvoir la courtiser. Oui, ça, j'ai vu ça. Je sais pas comment ça s'appelle en français, mais. Je pense que c'est le jour interminable. Ou, ouais, ou le jour d'après. Non, le jour d'après, c'est la fin du monde. Mais en tout cas, ouais, c'est le jour. Ouais. C'est ça. OK. Et donc, tu serais le genre à essayer de te courtiser constamment pour essayer de. Ben, oh, c'est bête, mais oui, j'aimerais bien voir ce que ça fait de courtiser en étant un homme. Ouais. J'aimerais voir ce que ça fait. À choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? Si j'étais un homme? Ben, non, mais si tu. Toi, est-ce que tu ferais le même chemin? Non, en tant que. Je ferais un peu différent. Je pense que j'irais peut-être plus vite. J'ai l'impression, tu vois, c'est toujours j'ai l'impression d'avoir un peu pris mon temps. Je sais pas si c'est bien ou mal, mais des fois je me dis que j'ai peut-être un peu trop pris mon temps. Ouais. Mais pour réfléchir, faut prendre son temps. C'est ça. Ah, je suis très bonne pour faire ça. Ouais. Mais est-ce qu'il y a des projets, à force de faire de la musique, de la chanson, est-ce que tu sens que ça commence à fleurir à... Oui. Non, mais oui. Et j'ai l'impression que. Bah, déjà, j'ai l'impression d'être plus trouvée aussi. Être plus reconnue. Voilà, et du coup. Et du coup aussi sur Paris aussi, mine de rien, j'ai quand même avoir fait pas mal de concerts, avoir rencontré pas mal de chanteurs qui me connaissent aussi, donc ça circule. Donc j'ai aussi l'impression que les gens maintenant m'identifient, ils savent ce que je fais. Et oui, donc j'ai quand même l'impression d'avoir un peu plus de visibilité. De visibilité sur Paris, ouais, complètement. Puis en même temps, lorsqu'il reste des cases à boucler pour un spectacle sur scène, est-ce qu'on t'appelle, oui? Ouais. Les amis, les amis, les gens qui m'ont aidé, aussi les programmateurs qui m'ont mis sur scène, ou ce genre de choses, ou voilà, donc ça c'est... Acceptes-tu tout ou tu refuses souvent quelqu'un? Pas souvent, mais acceptes-tu? Ça m'arrive rarement de refuser, après, sauf si c'est, par exemple, des problèmes d'emploi du temps, ou que des fois ça soit vraiment pas payé et loin. Là c'est dur quand même. Okay. Si c'est pas payé ou pas trop, que c'est sur Paris, que ça me demande pas de déplacement, je peux le faire. Pour être connu, pour être... Oui, parce que voilà, et puis aussi mes musiciens, ils sont sur Paris, ça les dérange pas. Mais eux, est-ce qu'ils ont des boulots... Eux, ils sont tous les deux intermittents. Ok. Mais dans plusieurs groupes, donc voilà, c'est plus difficile de les avoir pour... Franchement, j'ai de la chance parce que ils ont quand même assez de cachets pour pas forcément vouloir à chaque fois que moi je les déclare. Donc je peux aussi avoir ce côté où des fois ils acceptent grandement volontiers de jouer pas payé parce qu'ils croient aussi au projet et ils s'investissent beaucoup, donc j'ai de la chance. Et si jamais ils sont pas libres, ils ont quand même des binômes avec qui j'ai aussi travaillé, qui viennent, avec qui ça se passe très bien, donc j'ai de la chance là-dessus. Je suis bien entourée. Et là, actuellement, as-tu une visée de sortie d'album ou tu travailles uniquement au concept de cet album? Non, là pour le moment, je sais pas encore quand. Et puis surtout, j'ai pas envie de le faire comme j'ai fait pour les deux. J'ai pas envie de me dire, c'est vraiment l'amalgame de tout ce que tu faisais. Puis c'est surtout que j'ai pas envie de le sortir toute seule. Enfin, là, je suis en autoproduction, j'ai personne. Et j'ai envie déjà de travailler quelques titres, d'aller essayer de démarcher les radios, les labels, de voir si ça prend, si je peux avoir trouvé une équipe, un tourneur, quelqu'un, et après faire un album. J'ai pas envie d'y aller toute seule. Est-ce que c'est positif? Ouais. Ouais, tu vois qu'il y a des portes sous? Je pense qu'il y a vraiment... Moi, je suis pas très bonne pour démarcher. Non, je trouve ça dur de démarcher soi-même. Je suis pas très bonne pour faire ça. Et là, j'ai quelqu'un... je suis vraiment pas bonne à ça. Venez me voir c'est une catastrophe. Et voilà. Pour moi, il y a rien. Je sais que moi, je suis une fille de scène, donc je sais que... En effet, pour moi, la scène, ça parle mieux qu'un petit mail. S'ils viennent me voir sur scène, voilà, ils aiment ou ils aiment pas. Mais en tout cas, s'ils aiment, qui même me suivent. Voilà, exactement. Mais je suis pas bonne pour ça. Donc là, j'ai quelqu'un qui me propose de m'aider là-dessus. Donc on va faire ça en septembre avec les nouvelles chansons et je verrai bien si ça mord un peu ou pas. Mais en tout cas, oui, j'ai pas envie de l'album, je veux pas le faire tout seul. Ouais. Est-ce que tu as plusieurs spectacles depuis le coup tout cet été ou... J'ai des. En juillet, j'ai rien, mais c'est bien parce que je vais pouvoir me concentrer justement sur mes nouvelles chansons. Et je voulais faire ça justement, je voulais me réserver un mois pour création. Mais tu écris le soir, le matin? Tout le temps. Tout le temps. Et puis même des fois dans la nuit, je me réveille avec une phrase et je l'enregistre. C'est insupportable. Mais c'est comme ça. Et là en août j'ai aussi des festivals surtout en Bourgogne aussi parce que je viens de là-bas aussi. Donc j'ai un petit réseau là-bas Donc j'ai aussi des concerts là-bas. Donc tu vas peut-être essayer ce que tu as écrit au mois de juillet. Je pense que je vais essayer ça. Je vais essayer des arrangements là tout seul et puis on va essayer aussi d'en faire un peu cet été, ouais, dans les festivals et voir un peu ce qui se passe. Ça va être, c'est bien, ça permet de nous roder, de tester un peu des choses et en septembre je pourrai démarcher. Voilà. As-tu déjà une idée du nombre de chansons ou c'est encore flou? Non, c'est encore flou. C'est encore flou, je pense au moins 10, mais au moins 10. 10-12 grand maximum, je pense. Après, je te dis ça, alors honnêtement, je et sais pas du tout. Et déjà, comme tu me disais, des sujets que ouais. tu as touchés. Bah, j'ai déjà des titres, j'ai déjà des... Il y a des chansons, à mon avis, c'est à peu près sûr qu'elles vont être dessus. Et oui. Et c'est la première fois, en fait, que j'ai un peu pris mon... J'ai pris mon personnage pour écrire. C'est la première fois que je fais ça. Parce qu'en même temps, avant, j'en avais pas, mais je me dis aussi, ce thème aussi du burlesque, de tout ça, j'ai aussi envie de prendre un peu des thèmes de ça et de les mettre dans mes chansons. Mais sans pour autant faire des chansons rigolotes. Non, complètement, sans pour autant faire des chansons rigolotes, ouais. Pour le moment, je t'avoue, j'ai pas trop de chansons rigolotes d'ailleurs. Faudrait que je m'y mette peut-être un peu. Parce que tu veux en même temps que ce soit léger mais pas trop, que ce soit humoristique mais pas trop. Ouais, je veux. Que ce soit pas trop lourd non plus. Non, je veux pas que ça soit lourd, je veux que ça soit. J'ai plutôt envie que ça soit puissant. J'ai plutôt envie que ça soit puissant. Donc, faut que je trouve comment faire au niveau du son et des textes. Les textes, je pense que là, celles que j'ai écrites, je pense que ça va bien dans ce que je veux. Maintenant, faut que je trouve comment faire avec les arrangements pour que ça le fasse aussi. Tout au fond de mon corps, je sens qu'il est de son sang. je ne me souviens que du coup de ses lèvres. Je ne me souviens que du coup de ses lèvres. Vous écoutez Errance Rénaldienne sur CKRL-MF le 89.1 à Québec avec Rénald Gagné. Ok, voilà. En un mot, tu veux qu'une chanson arrache? Ouais, j'aime bien ça. Ouais. Après, il y a différentes manières de faire. Soit on prend le contre-pied, on fait un arrangement assez frais avec un texte assez qui arrache justement, et du coup le contraste donne quelque chose d'intéressant. Soit au contraire sur certaines on y va à fond. Voilà. Moi des fois j'aime bien le contre-pied, des fois aussi j'aime bien y aller franco en mode bah là j'y vais et j'y fais quoi. Parce qu'au début tu étais une chanteuse beaucoup plus intimiste, plus. Oui. Puis là maintenant tu veux te libérer, ouais. Et changer de. Complètement, ouais. Mais sans pour autant peut-être sur scène négliger ce genre de musique-là que tu as fait depuis longtemps. Complètement. Bah, c'est tout le truc où. C'était facile. J'aime toujours autant le texte et je sais. Voilà, je sais mes influences, les racines, ce sera toujours la chanson française, c'est sûr. Après, c'est vrai que musicalement, il y a un moment où je me sentais un peu étriquée dans la chanson à texte puriste, on va dire. Ouais, ouais. Et du coup, j'avais envie d'aller chercher un peu ailleurs, j'avais envie d'aller chercher... Et même au niveau du style, en fait, c'est vrai que j'avais l'impression qu'une petite chanteuse à guitare classique, elle pouvait pas se permettre de mettre des paillettes et d'être... Je me disais, ça va être bizarre, et je me suis dit, ben non, mais on s'en fiche, en fait. Si j'ai envie de le faire, je le fais, et puis c'est tout. Donc, et je me suis aussi confrontée à ça, à des gens en plus chansons puristes qui comprennent pas forcément, qui trouvent que ça peut faire de l'ombre au texte, ouais, ou ouais, propos, ouais, ouais, ouais. Ou tout ça, et je peux comprendre ce qu'ils disent, mais bon, pour moi, c'est aussi ça l'artistique, faut explorer, faut bouger un peu les lignes, faut trouver un peu justement son... Enfin, pour moi, des chanteuses à guitare classiques, il y en a plein. Mais tu veux pas non plus assombrir le fond pour amener la forme. Donc, est-ce que tu veux que l'écriture soit aussi intense, mais livrée autrement? Oui, c'est ça, exactement. Tu as très bien résumé. Eh bien, merci d'être passé à mon émission. Eh bien, écoute, de rien, merci à toi. Et le plaisir, c'est de te dire que tu seras diffusé à deux moments. Je vais trancher l'émission en deux. D'accord. On va présenter tes chansons, tes œuvres. Et moi, cet entretien-là. Donc, je suis très heureux enfin de t'avoir rencontré parce que l'année dernière, ça n'a pas fonctionné. Je croyais que tu pensais que c'était un gag. C'est vrai? Oui. Ben, parce que ça n'avait pas l'air à vouloir trop. L'année dernière, c'était pas très. Ah bon? Mais là, je crois que t'as lié mes rencontres avec Garance, avec Pauline et tout ça. Puis on ne pouvait pas ne pas se rencontrer en 2018. Non. Donc, moi, c'était criant de vérité. Je suis d'accord. Et c'est surtout l'intérêt d'entendre ce merveilleux disque qui va sortir. Incessamment. Incessamment. Parce qu'il y a trois points de suspension dans incessamment. On ne sait pas quand, mais. On ne sait pas quand, mais ouais, j'espère bientôt. Mais tu ne veux pas non plus presser. Non, je veux. Voilà, je veux. Le premier, je pense, c'est important. Non, je pense que j'ai envie de faire ça bien. Donc, ouais. Ouais, je vais prendre le temps qu'il faut pour faire un truc qui me ressemble. Et c'est une belle carte de présentation, ouais. Aussi, donc tu ne veux pas la louper. Clairement, je ne veux pas la louper. Ouais. Ouais. Je veux pas la louper. Je sais que. En même temps, il faut prendre son temps. En même temps, il y a quand même une histoire de timing qui est importante. Il ne faut pas non plus. Voilà, je sais que là, c'est quand même le moment où il faut qu'il se passe des choses pour moi. Et je ne peux pas arriver dans 3 ans avec un album. C'est trop tard. Non, il faut quand même que ça soit ouais. dans un an et demi, je pense. Il faut que tu sois encore dans l'énergie, dans l'action, dans la vivacité. Complètement, ouais. Donc, on va travailler pour ça. Ben, merci beaucoup. Ben, merci à toi, en Puis tout comme cas. On dit, c'est une belle expression que j'utilise à chaque fois à la revoyure. Ah, mais avec grand plaisir. C'est bien. OK, merci. Avec grand merci. Plaisir. Super! Eh bien, écoute, merci à toi. Ben, et en plus, ils me soutiennent énormément, donc je sais que ça, c'est ma source. Dès que j'ai besoin de venir me ressourcer, je vais avec eux et ça me ressource énormément. Ouais. As-tu peur d'un jour te déraciner et de faire cavalier seul? Ben, j'ai un côté quand même assez solitaire, assez indépendant, mais voilà, j'ai besoin de temps en temps de revenir aux sources. Ça, ouais. C'est obligé. Ouais. Si tu étais un aliment. Je serais une tarte au citron. Oh! J'adore. Ah oui? En manges-tu beaucoup, souvent? Alors, j'essaie de pas trop manger trop souvent. Déjà, ouais, je suis une sucrée, moi. Ah oui? J'aime les gâteaux, ouais. Ah, c'est rare. Normalement, les femmes sont salées. Ah ouais? Ah, j'adore ça, le sucre. Si tu étais une saison? Une saison? L'hiver. Oh! Pourquoi? J'adore le froid. Ah oui? Ah oui. Je suis plus quelqu'un d'hiver, ouais. J'aime bien...

Non, bah non, je veux... Voilà, je veux... Le premier, je pense que c'est important, non, c'est... Je pense que j'ai envie de faire ça bien. Donc ouais, ouais, je vais prendre le temps qu'il faut pour faire un truc qui me ressemble et qui... C'est une belle carte de présentation, ouais, aussi, donc tu veux pas la louper. Clairement, je veux pas la louper, ouais. Ouais. Je veux pas la louper. Je sais que... En même temps, il faut prendre son temps, en même temps, il y a quand même une histoire de timing qui est importante, faut pas non plus... voilà, je sais que là, c'est quand même le moment où il faut qu'il se passe des choses pour moi, et je peux pas arriver dans 3 ans avec un album, c'est trop tard. Non, non, faut quand non, même non, que oh, ça ouais, soit dans 1 an et demi, je pense. Il faut que tu sois encore dans l'énergie, dans l'action, dans la vivacité. De... Complètement, ouais. Donc, ouais, donc on va travailler pour ça. Ben, merci beaucoup. Ben, merci à toi, en puis tout comme cas, on dit, c'est une belle expression que j'utilise à chaque fois, à la revoyure. Ah, mais avec grand plaisir. C'est bien. OK, merci. Merci. Quand l'amour se fait farouche, quand l'idylle s'endort, elle est bien froide, la douche, pour nos cœurs et nos corps. Qu'est-ce qu'on y comprend? Est-ce que c'est la fin? Ou bien un tournant. Ne lâche pas ma. T'as plein de questions en bouche et plein de questions en tête. T'as plein de questions en bouche et plein de questions en tête. Quand les rêves laissent la place à la réalité crue, pourquoi faut-il que s'effacent les baisers éperdus? Est-ce qu'on abandonne? Est-ce que l'on se bat quand les doutes résonnent? Serre-moi contre toi. T'as plein de questions en bouche et plein de questions en tête. Plein de questions en bouche et plein de questions en tête. Que fait-on de ces questions? Un trait ou un débat? As-tu toujours des frissons quand au loin tu m'aperçois? Est-ce que ça suffit pour l'entier d'une vie? J'ai plein de questions en tête. Des questions, des questions, des questions. T'as plein de questions en bouche et plein de questions en tête. Des questions, des questions, des questions. T'as plein de questions en bouche et plein de questions en tête. Des questions, des questions, des questions. T'as plein de questions en bouche et plein de questions en tête. Chers amis, Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.